Ma ville en images, d'octobre 2014 à mars 2015, pages 4 à 6. 28 décembre. Coureurs à pied engagés dans la course de la corrida, course légendaire organisée tous les ans le dernier week-end de décembre. 11 janvier. Vœux au tissu associatif et au monde économique. Le maire président prononce le traditionnel discours des vœux accompagné des élus municipaux et communautaires. 19 janvier. Rassemblement citoyen. La foule est rassemblée devant l'hôtel de ville pour rendre hommage aux victimes des attentats des 7, 8 et 9 janvier. Février. Dans le cadre des activités proposées par le service jeunesse de la ville, un groupe de jeunes se prépare à escalader un mur. 22 février. Pendant le traditionnel repas des aînés, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, hommes et femmes lèvent leur verre à l'amitié. 7 mars. Des parents accompagnent leurs enfants lors de la visite de l'école élémentaire Pierre Martinet.